Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce best-of d'été dont on va se marrer. Comme durant tout le mois d'août, c'est un spécial candidateur grâce à René Marc Gage, le grand Manitou, qui aujourd'hui a réuni pour nous Mélanie Rodriguez et Looping. On va se marrer. Salut à toutes et à tous, on va se marrer. Une situation un peu inédite aujourd'hui, car Philippe Bello est au fond de son lit, tout seul. C'est encore de la vérité détournée, après l'avoir foutu dans l'avion de la Malaysia Airlines. Poutine nous l'a envoyé. Et voilà, et Bello n'est pas prêt de le revoir. Et c'est que le début de l'émission, il a pas encore picolé, vous l'avez entendu. C'est la coqueluche des coiffeurs de Paris, c'est GG. Oui. Ah oui. Ah oui. Et oui, Steven Spielberg nous l'a pris dans les années 90 pour tourner dans Jurassic Park. Et oui, c'est le Jurassic Park des ondes, comme on dit. Oui, c'est vrai, il dit ça aussi. On l'appelle le vestige. C'est Bob du club. Ah oui. Bonsoir les filles, bonsoir. Bravo Bob. Ah oui. Ah oui. Et lui, ça n'est pas Steven Spielberg qui nous l'a prêté pour la soirée, mais c'est sa femme. Qu'on remercie beaucoup, c'est Manu. Ah ben merci beaucoup. Oui. Salut Manu. Oh, Manu. Oh oui. Oh oui. Et le meilleur, bien sûr, qui sera là avec vous ce soir. C'est Frédéric Koster. Ah, imposteur. Non. Oh non. Bah oui. Faut bien que je parle de moi un petit peu quand même. L'émission sera comme chaque semaine réalisée avec des doigts de fée. Oui. Hein, je dis ça pour pas qu'il me coupe au montage. C'est Davy. Bravo, oui. Bravo Davy. Salut Davy. Oh oui. Oh oui. Bravo Davy. Alors, ce soir, t'es bien avec des invités ou pas? Non, si tu veux, tu me laisses présenter l'émission. Alors, Frédéric, tu es venu avec. On n'en peut plus. Frédéric, tu es venu avec des invités. Oui, effectivement. Eh bien, c'est notre petit rendez-vous habituel ce soir avec Candidateur. Oh oui. Salut René Marc. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Je suis. Alors, tu montes en galon. Ça fait bizarre, hein. Ah ouais. Oui, mais ça va pas durer. D'habitude, tu es sur ma droite. Là, tu es en face de moi. Là, c'est très agréable. Alors, René Marc, Candidateur. Oui. Tous les dimanches à 20h. Toujours au théâtre des Feux de la Rampe, le dimanche à 20h à Paris. Et puis. Ça se délocalise aussi. Alors, un mardi tous les deux mois à Versailles et bientôt tous les mois au théâtre de la Royal Factory de Versailles. Et puis à partir du 7 avril, tous les trimestres à la Comédie Odéon de Lyon. Eh ben voilà, formidable. Voilà, ouais. Oh. Et ce sont des théâtres de 300 places, ça s'agrandit mon bonhomme. On est très content que Candidateur s'exporte. Tout à fait. Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de scène ouverte en province. C'est vrai. Et comme nous avons, tu le sais, la réputation d'une scène ouverte ouverte à tous, sans audition, sans présélection, avec la liberté d'expression la plus totale, il est logique que nous allions en province par les temps qui courent. Alors comme d'habitude, René Marc, tu nous as amené deux découvertes de Candidateur. Oui. Je te laisse nous les présenter, on va commencer par la demoiselle. Alors tout à fait, je vous ai amené une jeune fille de 24 ans qui sort du cours Florent et qui a beaucoup de talent et qui s'appelle Mélanie Rodriguez. Bravo. Merci beaucoup. Merci. Une jolie brune. Exactement, c'est très gentil. Qui est encore pure, et innocente, hein, c'est le début de l'émission, mais ça ne va pas durer, elle est assise à côté de Bob. Vous allez voir, que si je peux me permettre de te présenter Mélanie, qu'elle n'a pas la langue dans sa poche. Et voilà, elle fait partie de notre saison 3 de Candidateur. Et c'est tout récent, on vient de se rencontrer et exactement. C'est très intéressant. Je te remercie. Et tu es venu également avec un jeune homme. Qui lui également fait aussi partie de la saison 3 de Candidateur, mais depuis plusieurs mois déjà. On a passé presque une saison ensemble, toute la saison en fait. Presque. Voilà, c'est Monsieur Looping. Ah. Et je suis sûr qu'avec un nom comme ça, il met toute la tête du public à l'envers. Alors, vous le voyez pas. Elle est très bonne. Ça va être très drôle. Je sens que c'était la gueule, Gigi, on va te couper au montage. Alors, attention. On va te donner une assurance de risque. Oh là, putain. D'accord. Oui, bon, d'accord. Parce que tu pensais à Astérix. C'est dans l'assurance de risque. D'accord, voilà. Arrête de cracher tes curly. Alors, Looping, je le présente parce qu'à la radio, on se rend pas compte, c'est le seul arabe corse. Ah merde. Véridique. Ouais. Mais il soigne. Et c'est quel côté qui prend le plus de le dessus, le côté rebeu ou le côté corse? Oh, moite-moite. Ah, moite, merde. Moite. Ça m'a donné, alors. J'essaie de garder un équilibre. D'accord, c'est-à-dire que tu piques des mobilettes, mais lentement. Elle est bonne. Elle est bonne. Voilà, eh ben, ça donne le ton pour la soirée. Bah, ça c'est fait. À mon avis, je me fais tuer avant la fin. Bon, alors, il va falloir... La première épreuve, ça va être le baptême de l'équipe adverse. Ah. Car oui, je le fais à la Philippe Bello. Hein, bah, oui. Car bien. Oui, chers amis, pour la modique somme de 49,95 francs. Non, ça c'est Belmar. Ça c'est Pierre Belmar, pardon. Ouais. Oui, vous allez former deux équipes, bien sûr. À ma droite, l'équipe composée de Bob, Mélanie et Manu. Et à ma gauche, Gégé, René Marc et Looping. Des questions, des jeux pour vous séparer. Et puis on parlera de candidateurs et on écoutera des extraits de sketch de Looping et de Mélanie. Alors, il faut donc baptiser l'équipe adverse. On va commencer par l'équipe de Bob, Mélanie et Manu. Comment nommez-vous vos adversaires ? Les inhumoristes. J'ai inventé ce mot peut-être. Je le note. Les inhumoristes. C'est pourri. Voilà. Bah oui, c'est vous, exactement. Les inhumoristes. C'est pourri, c'est vous. Inhu, hein. Alors, voilà. Oui, parce qu'il y a des points à noter. C'est plus... Inhumoristes. Philippe dit toujours que c'est plus facile pour que les exactement. Auditeurs s'y retrouvent. Je crois, ouais, pour que vous trichez. Ouais. Les inhumoristes. Alors, René Marc. Ah bah, du coup, on a un nom, nous, un nom qui existe vraiment. C'est les inintelligents. Ouais, bon. Et ça leur va super bien. Voilà. Au moins, ça donne le ton dès le départ. Ça nous va comme un gant, ça rime. Alors, donc, les inhumoristes contre... ça va être facile. Ah, tu vas galérer contre à présenter. Les inintelligents, ouais, on va commencer pour un premier point par la première question. Attention. Oh, le jingle qui part pas. Oh là là. Oh la vache, le jingle qui part. Philippe Bello, reviens. Il est perdu quand son Philippe n'est pas là. Hein. Alors, première question. Et il est. Merci, David. Est... Ce qu'il y a, c'est qu'il parle à chaque fois depuis le début du jingle. Je fais exprès, je vous emmerde depuis le début, c'est ma faute. C'est facile de démolir les patrons, mais quand on usurpe leur place. Dis donc, tu encore veux que je faut-il être à la hauteur. Dis donc, tu veux que je t'envoie un recommandé, connasse. Alors, tu peux toujours m'envoyer les recommandés. La première question, la voici. Dans la Rome antique, les pièces de théâtre étaient jouées dans un Colisée. Mais à quels autres événements cet édifice servait-il également ? Pour un jeu de cirque. C'est facile. Pour faire des partouzes. C'est à nous de. C'est les. Le premier qui donne la réponse. Les combats de gladiateurs. Les combats de gladiateurs. Ouais, de l'équipe de René Marc. Non, nul. Ça s'appelait aussi les jeux de cirque. Un premier tout point pour les inhumoristes. Les jeux du cirque. Tout à fait. Eh bien, nous allons. C'est pour ça qu'il existe le Colisée Zavata. C'est attention, on a René Marc avec nous. Alors aujourd'hui, nous n'avons pas Maurice avec nous, au grand désespoir de René Marc. Mais oui, Maurice, c'est dommage, vous ne connaissiez pas. Donc Maurice n'est pas là, mais il est toujours un petit peu avec nous, ah grâce bah ouais, aux 14 000 heures de stock d'archives qu'on a des blagues de Maurice. Donc si vous le voulez bien, Maurice va être un petit peu avec nous. Est-ce que il y a eu les Jeux paralympiques. Oui. Donc il y a une discipline qui n'était pas aux Jeux paralympiques, c'est le saut à la perche, mais on a eu quand même des médailles, des bons résultats il n'y a pas longtemps. Heureusement. C'est très con ce que je viens de dire. Mais une des blagues fétiches de Maurice, c'est la blague du perchiste. Ah, je ne connais pas ça. Deux perchistes parlent lundi à l'autre. Ah là là là là, Maurice. Je suis sûr qu'il y a des points. Oui. Je suis sûr qu'il y a de la ponctuation. Deux perchistes parlent, virgule, lundi à l'autre. T'es sûr que tu peux sauter tout ça ? L'autre répond, je persiste, je signe. Non. Non, non. Je persiste. Oh la vache. Oh là là. Ça va pas être facile. Ça va pas être facile. Oh là là. Allez, non, t'es obligé de recommencer, Maurice. Allez. Deux perchistes parlent lundi à l'autre. Mais non, mais Maurice, il y a un point. Mais pas une virgule. Mais rajoute-le. Deux perchistes parlent lundi à l'autre. Non. Deux perchistes parlent. Deux perchistes. En plus, pour toi, c'est perchistes maintenant. Deux perchistes. Ça l'a plus blanc. Arrêtez. Stop. Allez. Coupez. Deux perchistes parlent. Non. C'est pas après deux perchistes qu'il faut mettre le point. Deux perchistes, virgule. Parle, virgule. Deux perchistes. Parle. Mais alors, la blague est incompréhensible. Alors, deux perchistes parlent lundi à l'autre. Oui. T'es sûr que tu peux sauter tout ça ? L'autre lui répond. Je persiste et non, je signe. Non. Mais non, sinon elle n'est pas drôle. Deux perchistes parlent lundi à l'autre. Ah. T'es sûr que tu peux sauter tout ça ? L'autre lui répond. Je persiste et je signe. Oh, oh là là là là là là là. Ah, Maurice. Ah, c'est laborieux quand même. Hein. Et on se félicite, je le dis tout le temps, à Candidator d'être les seuls à avoir Maurice sur scène. Ah, c'est vrai. Ah ouais. En même temps, personne d'autre n'en veut. Ah ouais. Alors, eh bien, on va voir très vite si on fait mieux que Maurice. En fait, je répète les mêmes phrases que Philippe, hein, comme d'habitude, comme ça, personne n'est dépaysé. Donc, on va voir si on fait mieux que Maurice juste après cette courte pause. On revient avec l'équipe de Candidator. À tout de suite. Retour dans Vasse-Marée. Oh oui. Avec l'équipe de Candidator, René Marc Gage, Looping et Mélanie Rodriguez. Rodriguez avec un Z, je ne suis pas portugaise, je n'ai pas plein de poils de partout, s'il vous plaît. Ah, il y a des cheveux. Bob demande la preuve. Ah non, on va aller voir. Hein. Directement. Candidator, donc on le rappelle, c'est tous les dimanches. Bob, ça te dérange pas si on fait l'émission? Non, je suis en train de... Ça te dérange pas qu'on parle de candidateur? On parle de poils. Ah non, candidateur, il faut parler de candidateur. Tu n'es toujours pas venu, toi, d'ailleurs. Je vais venir. Bon, j'espère bien. Vous avez fêté la 107e déjà de candidateur il n'y a pas longtemps? Oui, nous avons fêté la 107e de Candidator il n'y a pas très longtemps, mon cher Frédéric. C'est dingue. C'est fabuleux. Et il y a toujours, à chaque dimanche, des invités prestigieux, des invités VIP. On a commencé l'année 2014 en beauté, puisqu'on a eu le directeur du... Pas toujours des VIP, hein. Ah si. Bah non, une fois c'était moi, donc... Bah si, t'es une VIP. Une VIP, oui. Ah, dans ce sens-là, d'accord. Ouais. Dans ce sens-là, non, on a démarré très fort, on a reçu le directeur du Jamel Comedy Club, Jean-Michel Joyot, le directeur des Blancs Manteaux, on a reçu Bernard Ménez à nouveau qui nous suit sans arrêt. Bernard Ménez, ça doit faire 14 fois qu'il vient, c'est comme Gérald Dan, c'est nos parrains les plus fidèles. Et puis on a eu beaucoup de professionnels importants, pas forcément des gens très connus, mais surtout... Des gens de l'ombre, des producteurs, des agents, des directeurs de salles. Très importants. Très importants, des directeurs de festivals. Aude Galliou, par exemple, qui s'occupe de Vérino, Shirley Soignon et beaucoup d'autres, qui est manageuse. Tout ça pour faciliter les... C'est une scène ouverte qui permet les opportunités entre les artistes et les professionnels. Voilà. C'est très important que les professionnels soient intéressés et viennent. Tout à fait. Surtout que le public a toujours les pantoufles dans la salle et on voit les pantoufles quand ça lui plaît pas. Donc ça crée une ambiance assez incroyable. Quoi. Alors, on va présenter Looping tout à l'heure, mais honneur aux demoiselles, on va commencer par Mélanie. Oui, bonsoir. Alors Mélanie, parle-nous un petit peu de toi. Qui es-tu, d'où viens-tu? Alors, je suis lyonnaise. Elle est portugaise. Hein. Non, pas du tout. Je suis lyonnaise et espagnole, d'accord? J'en suis. Mais ensablée. Elle est portugaise, mais ensablée. Mais la fâche pas, toi, elle est dans ton équipe. S'il te plaît, je l'ai pas fait exprès. Hein. Ouais. Il s'appelle Manu. Tu veux des chips? Donc, tu t'appelles Lionel. Il t'appelle Manouche. Ah non, tu es lyonnaise. Je vais finir par me vexer, les garçons. Je m'appelle Mélanie Rodriguez. Donc, avec un Z, et je suis lyonnaise. Ah ouais. Avec un S. Et tu manges des merguez. Non, oui, on me l'a fait souvent, celle-là. Ouais, non, mais je suis en pleine forme aujourd'hui. Je vois. Une patate d'enfer. Mais est-ce qu'elle peut se présenter? Oui, c'est quoi ton cursus? Hein. Alors, Looping. Non, pardon. Bon, merci beaucoup, c'était super sympa de vous rencontrer, messieurs, je pense que... Allez. On a qu'une fille avec nous ce soir. Ouais. Il faut qu'il y en a une. Une vraie fille. J'ai peur. Il faut la chouchouter. Alors, Mélanie, vas-y. Donc, tu viens de Lyon. Exactement, je viens de Lyon et depuis 4 ans, je suis sur Paris pour... Tu es sur Paris? Sur Paris, bien au-dessus. Voilà, j'essaye. Ah oui. Je fais de mon mieux. Au-dessus de la pollution. Plein dedans, plutôt. Et du donc... coup, je suis allée au cours Florent. Ouais. Est-ce que ça t'a apporté quelque chose? Ça m'a plutôt pris 10 000 euros. Voilà. Mais ça m'a apporté un découvert de 10 000. Au moins, c'est franc. Voilà, on apprend. On va dire ça, on apprend, c'était sympa. C'est sympa que ce soit fini aussi. Après, j'ai fait quelques temps au cours Clément, justement, pour tester le stand-up. J'en avais toujours envie, mais bon, il me fallait un petit coup de pouce, un petit coup de pied au cul. Et du coup, grâce à eux, j'ai fait ma première scène ouverte. Et puis après, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un mois, j'ai rencontré René Marc, me semble-t-il. Ça fait un mois, un mois et demi. Ah oui. Là, ce fut le coup de foudre. Vous savez qui c'est qui m'a envoyé Mélanie à Candidator? C'est Max Bird. Ah et ouais. Oui, merci parce Max. Qu'ils travaillent ensemble. Ah bah, il était chez nous il n'y a pas longtemps. Mais Max. C'est pour ça que je dis ça. Grâce à Max. Excellent, Max Bird. Excellent. Oui, très, très bon. Très, très bon. Et donc, il m'a présenté à René Marc et j'ai fait... un sketch au Candidator et il m'a proposé de faire une demi-heure au Kibélé, donc le 26... Ah oui, donc tout de suite tombé sous le charme de Mélanie. Bon, en même temps, ça a aidé, oui. J'étais en mini-jupe, ouais, talons. Était... Ah bah oui. Bah, pourquoi pas elle ce soir était, elle était comme une très poussière. Dévêtue. Elle était très dévêtue, comme elle est plutôt jolie. On peut pas le voir à l'antenne. Elle est bonne, dis-le, elle est bonne. Si, si, pervers. Elle est très jolie. Et vous allez en juger, elle n'a pas la langue dans sa poche. Est-ce que tu as amené du bromure pour looping? Parce que je crois qu'il est... Je crois qu'on va le perdre avant la fin de l'émission. Là. Je crois qu'il est. Mais il a les... Alors, il a le les bromure, yeux on n'a plus le droit de l'importer. Ah. C'est un produit de contrebande. D'accord. Oh, bravo. Ah ouais. Je la note sans le lag. Donc, on va lui laisser la parole quand même, Mélanie. Mais il y avait des critères de sélection. Voilà, c'est ça que je voulais dire. D'accord. Super, je me suis acheté. T'as pas eu de pantoufles? Non, j'ai pas eu de pantoufles. Pas du tout. Tu nous rappelles pourquoi, René Marc? Parce qu'on en a parlé très vite. Quand le public n'aime pas, il envoie les pantoufles sur scène, pas sur l'acteur. Il envoie le pantoufle sur scène. D'accord. Non, j'en ai pas eu. Mais elle a eu aucune pantoufle. Son premier passage a été assez chouette. Bon, en même temps, deuxième passage en sous-vêtements, je pouvais pas avoir de pantoufles non plus, avec que des mecs devant, c'était pas possible. Le deuxième, t'étais carrément presque nu. Hein. J'étais en sous-vêtements, C'était la centième. J'aime bien tes sous-vêtements. Lady Gaga à la française. Rappelez-moi l'adresse du théâtre. Non. Il y avait un garçon qui avait déjà fait ça dans Candidator, hein, qui s'était retrouvé sous la douche. Oui. C'était Marin. C'était Marin, ouais. Qui avait un sketch où il était à moitié à poil. Voilà. Prenait sa douche. Sur scène, ouais. Candidator, c'est la scène ouverte où on se déshabille, donc. Non, pas spécialement, mais ça aide. René Marc m'a dit, si tu veux jouer deux fois, tu te vois à poil. C'est où ça pour rien ? Mais quelle est cette adresse ? Non, c'est mieux que... C'est connu, ça. C'est deux on va y aller, Manu, on va y aller. C'est dans le 9e. Non, trêve de plaisanterie pour pas qu'on s'imagine que candidateur quand même est voilà. Non, mais elle a tout. Elle a tout d'une grande. Oh, c'est elle, elle a tout, la jeunesse, la folie et puis le culot. Ah, eh ben écoute. Ça. On est Manu, ta femme écoute, je te rappelle. On découvrira un petit extrait tout à l'heure. Mais certainement, avec grand plaisir. Et pour l'instant, nous allons voir si on fait mieux de Maurice que Maurice avec la première tournée de blagues. Ah. Et maintenant, quand on va se marrer, c'est l'heure de la tournée. La tournée de blagues. Et on va commencer par la blague de Manu. Ah ouais, j'en ai une petite, moi. Oui, mais ça, ta femme nous l'a déjà dit. Ça, on le savait. Hein. C'est la fesse gauche qui parle à la fesse droite. Il dit, non, ça pue dans le couloir ou pas? Oh non. Oh là, bon, on l'a fait quand même. C'est vrai. Ouais. Mélanie, c'est oui, à toi. Exactement. Alors, ce soir, ça va être humour noir encore. Donc, c'est un mec qui est malade. Il va voir le médecin. Et là, il lui dit, écoutez, je me sens vraiment pas bien, il faut faire des tests. Donc, le médecin lui fait faire des analyses et là, le verdict tombe. Vous allez mourir, voilà. Vous allez mourir, il n'y a rien à faire. Ah, le mec, il fait, bon, bah ok, il n'y a pas un truc qu'il fait pour prolonger un peu mon reste de vie? Ah, je sais pas. Ah, quoique, si. Écoutez, moi, je vous conseille les bains de boue. Voilà, les bains de boue, ça ravive. Ah bon, c'est vrai, ça va m'aider? Non, mais bon, ça vous habituera à la terre. Oh là là là là là. Eh ben, allez, Bob du club. Une belle-mère tombe dans un puits. Ah, il y a des bruitages en plus. Son gendre arrive. Il court. Merde, mamie. Il lui lance une bouteille de whisky. Il lui fait, ça vous remontera. Ah, il y a du vécu. Il y a du vécu. Bah, j'ai une petite devinette. Qu'est-ce qui est tout noir, tout crépu et qui est accroché au plafond? La quéquette de Lupin. Mais non. Dis donc, il se passe des trucs dans les coulisses de candidateurs. Je ne sais pas. Et vous connaissez depuis longtemps, vous deux, là. Non, non, c'est une blonde qui a changé une ampoule. Voilà. Oh. Et la réaction. Le spécialiste des petites blagues mignonnes. GG. Bon, bah, là, par rapport à vous, c'est rien du tout. Ah oui. Grâce à François Hollande, un couple d'homosexuels a pu adopter un enfant. Ah. Un jour, l'enfant entre dans la salle de bain et voit son père nu. Il lui dit « Waouh, papa, qu'est-ce que t'as un gros zizi ?» Celui-ci répond « Attends, tu vas voir celui de ta mère. » Ah bah oui, évidemment. Oh là là là. Elle est fraîche. Oui. René Marc, je compte sur toi pour relever le niveau un petit peu. Vous n'allez pas m'en vouloir encore. Alors, c'est un homme qui est en train de mettre les doigts dans le sexe de sa femme. Oh, oh non, mais c'est pas possible. On va avoir des plaintes après. Il y a 12 fréquences qui viennent de sauter. Et tout d'un coup, il s'aperçoit qu'il a perdu sa bague. Oh. Alors, il se dit mince. Alors, il n'ose rien dire, évidemment. Donc, il continue avec 3-4 doigts pour chercher sa bague. Et puis, il ne trouve pas. Il fouille. Alors, évidemment, la femme, oui. Donc, il se dit, c'est pas possible. Mais ma bague a dû rester au fond. Alors, il y va avec la main. Il met la main en entier. Puis, finalement, il ne trouve pas sa bague. Et puis, finalement, il y va jusqu'au coude. Jusqu'au coude, carrément, pour essayer de fouiller. Il cherche la bague. Et puis, il ne voit pas la bague. Il dit, c'est pas possible. Alors, il écarte les cuisses de sa femme. Il rentre la tête. Oh, il dit, elle est où? Et puis, comme il trouve pas, il rentre à peu près jusqu'au torse. Oh non! Et puis tout d'un coup, il voit un mec. Il dit, qu'est-ce que vous faites là? L'autre, il dit, je cherche ma bague. Et le mec, il fait, vous pouvez toujours courir, ça fait une semaine que je cherche mon tracteur. voilà. Quelle capacité d'accueil. Elle est gentille. Oh là là là là là. Elle est très accueillante. Bon, looping à toi. Hein. Elle est très gentille. On va calmer un petit peu. Ah oui, donc c'est Polo qui va à l'hôpital voir son copain Julien plein de bandages et qui lui demande qu'est-ce qui t'est arrivé. Julien lui répond, j'ai été renversé par un vélo. Pas possible, comment t'as fait? Mais c'est pas tout, j'ai été écrasé par une moto, puis par une décapotable, ensuite par un avion et pour finir par une soucoupe volante. Non arrête, je te crois pas, je t'assure. Mais malheureusement après la soucoupe volante, le patron du manège a coupé le courant. Ah ben voilà, on va terminer là-dessus, c'est un petit peu plus mignon. On se retrouve dans quelques instants après une courte pause. On parlera de looping plus longuement et puis surtout la première carte du trivial. A tout de suite avec Candidator. Retour dans Vasse Marée avec l'équipe de Candidator. Et René Marc est venu avec Mélanie Rodriguez que l'on a entendu tout à l'heure. Exactement. Et puis avec Looping. Alors parle-nous un petit peu de toi, Looping. D'où est-ce que tu viens? Donc de Corse. Je viens d'Ajaccio en Corse du Sud. Oh. Ah oui, bah ça, oui. Oh. Quand on te voit, on voit que c'est du Sud. Hein. C'est-à-dire parce qu'avant le port de Lampedusa, n'était pas ouvert. D'accord. Alors, ils arrivaient à Ajaccio ou en bas, à Bonifacio. Ah, il a dû nager 4 heures pour arriver sur l'île. En fait, je voulais aller à Marseille, mais j'avais pas la force. J'ai pas réussi à nager. Je me suis arrêté à C'est sympa, c'est joli, Ajaccio. C'est magnifique. Ah ouais, je préfère Ajaccio que Marseille. Très, très belle ville. Ville. Très belle île, très belle ville. Et donc, tu es fan de Tino Rossi? Et de Napoléon. Du tout. Plus Napoléon que Tino Rossi. D'accord. Et alors, comment tu es venu à la scène? Alors, moi, j'ai. Comment t'es venu au monde? Pourquoi? Et pourquoi? J'ai fait les cours Périmonie, une école d'art dramatique, très pendant connu. Un an. Ensuite, j'ai fait le laboratoire de l'acteur, pendant un an aussi. Là où j'ai appris la drogue et le théâtre. C'est vrai, entre autres. C'est vrai que ça va souvent ensemble. Ça va ensemble. Et puis ensuite, je me suis lancé dans le one man. J'ai commencé à écrire et j'ai fait ma première scène ouverte au Théâtre des Feux de la Rampe, où justement j'avais cours quand j'étais à Périmonie. Ouais, ouais. Et c'est là où j'ai rencontré René Marc. Et donc ta première scène, c'était chez Candidator. C'était chez Candidator, voilà. Ma première scène ouverte, qui était le 10 novembre. Et alors c'est quoi que tu fais? C'est du stand-up? C'est des sketchs? C'est du sketch-up. Je fais, je fais des sketchs et en même temps, il y a des personnages. Donc je fais un peu de stand-up. Mais si tu fais du sketch-up, tu n'as pas peur que les gens te jettent des tomates? Non. Oh. Elle est bonne, celle-là. Tu l'enlèveras, celle-là. Donc celle-là, on va la couper tout de suite. Donc mélange de sketch, de personnages et un peu de... Voilà, exactement. Et puis je me raconte dans mon spectacle, comme j'ai un parcours assez atypique, j'étais militaire pendant 8 ans. Ah oui? J'étais soldat dans l'armée de terre. Ah, c'est ça alors? Donc voilà, je raconte mon parcours en partant de la Corse, l'armée. Ah oui, c'est ça, t'as pris un abus sur la gueule. T'avais quoi comme grade? C'est sa grande particularité. T'avais quoi comme grade à l'armée? J'étais sous-officier dans l'armée de terre. Alors, hein? Sergent? Sergent. C'était... Chef? Non, sergent. Non, sinon il t'aurait dit sergent chef. Ah oui. Non, on rigole moins, Jelly Club. Ce que je voulais dire sur Looping, c'est que c'est un des humoristes les plus intéressants qu'on a vu cette année, parce que justement, il se raconte. Il raconte sa vie en ayant un recul sur ce qu'il a traversé, qui est très très intéressant. Et du coup, le public fait un transfert automatiquement. C'est ça qui est marrant, parce que tu dis que tu as fait 8 ans dans l'armée, mais quand on te voit, tu as l'air super jeune en fait. Elle a commencé à 10 ans. J'ai juste l'air super jeune. Donc on aura droit à un petit extrait Looping tout à l'heure. Oui, tout à l'heure, avec plaisir. D'où nous vient ce prénom? Oui, ce nom. Alors ce prénom, je l'ai eu à l'âge de 12 ans. C'est parce que je voulais faire du rap à l'époque. Ouais. Et j'aimais beaucoup le personnage de Looping dans l'agence touriste, qui était un peu fou, etc. Et puis je me suis rendu compte après, avec le, avec le recul et avec mon parcours, que comme looping, j'avais été militaire, comme looping, j'ai déserté, comme looping, j'ai fait des hôpitaux psychiatriques. Ah ouais, bah voilà. Tu as déserté. Ah ouais. Ah, tu nous raconteras ça tout à l'heure. P4 après. Hein. P8, moi j'étais réformé P8. Ah oui. Il recherchait par un certain Interpol. Et ben tu nous raconteras tout ça, il en donnera ton vrai nom et tes coordonnées à l'antenne. Je crois qu'il y a un colonel qui te cherche. Allez, tout de suite, la première carte du trivial. Alors, le trivial, vous connaissez. Là qu'il faut faire des points, les gars. C'est là qu'on va marquer des points, vous connaissez. Là, on compte sur toi, Mélanie. Je te préviens, on est marqué. On est nul en tout. Alors, je vous demande un petit peu de concentration parce que c'est la première fois que c'est moi qui explique le trivial. En un mot. Oui, en un mot. On va galérer. Alors, le trivial, vous connaissez le trivial. Il y a 6 questions par carte. Il y a une carte par équipe. Vous pouvez, il faut répondre au maximum de questions pour avoir le maximum de points. Si vous répondez correctement à la question, il y a un point. Mais si vous répondez sans vous consulter directement, Bob, il faut dire cash. Vous dites cash, et là, c'est 2 points. Si vous ne savez pas répondre ou si vous donnez une mauvaise réponse, l'équipe d'en face peut répondre à votre place et gagner 1 point. Et on a le droit de dire et cash aussi. Tu peux répéter, s'il te plaît, parce que j'étais en train de... Tu te démerdes. On se consulte comment, là ? Donc, on va commencer par l'équipe qui est menée, c'est-à-dire l'équipe de Bob. Alors, je préviens Mélanie, tu as intérêt à bien répondre car Bob est très mauvais joueur. Ouais. Oh merde. Et encore, c'est rien de dire. Hein. Putain, j'ai pas il est psycho-rigide. Et alors, pour... parce que Bob, à chaque fois, accuse de Philippe de tricherie, donc on lui fait choisir la carte. Donc, Bob, tu préfères la carte numéro 1 dans ma main droite ou la numéro 2 dans ma main gauche ? La 1 ou la 2 ? Laquelle tu préfères ? La 1 ou la 2 ? Laquelle tu utilises le moins ? La 1. Mais les filles se dévergondent, c'est pas possible. Elles se dévergondent. Je te l'avais dit. Alors, Mélanie, la 1 ou la 2 ? La 2. La 2. Vous voulez la 2 ? C'est celle-là, donc on est d'accord. D'accord. Alors. Bah écoute, tant pis. Hein. On va commencer donc par l'équipe des inintelligents. Des losers. Et on va vérifier tout de suite. Première question. Quel cinéaste vainqueur de la Palme d'Or à Cannes a lancé au festivalier « Vous ne m'aimez pas, moi non plus, je ne vous aime pas » ? Ah oui. Non, c'est pas à vous de répondre. Non, faut aller répondre avant. C'est à nous. Mais on peut se concerter. Oui, parce que là, il n'y aura mais pas de cash. Tu peux garder ton casque. Tu peux garder ton casque, t'entends dans ton casque. Ah, vous avez dit cash ? Non, j'ai pas dit cash. Ah, vous avez dit casque. J'ai dit casque. Qu'est-ce que. T'as une idée ? Non, Manu. Fais quelque chose. C'est pas moi, en tout cas, c'est sûr. L'autre taré, là, italien, là. Comment il s'appelle, là ? Qui ça ? Qui a fait quoi ? Mais j'ai oublié son nom. Contador ! Non, c'est un espagnol, lui. Non, je crois que c'est. Oui, nous aussi, on t'adore. Le petit qui peut plus aller aux États-Unis, là, qui a fait pirate. Comment tu l'appelles celui-là ? Eh ben justement, je ne sais pas. Ah oui, l'italien. L'italien. Non, il n'est pas italien, justement. Ben moi, je croyais qu'il était italien, moi, ce mec-là. Mais donc, enfin, moi, je ne sais pas. Hein. Bon, vous ne savez pas. Je ne sais pas, non. Andrea Bocelli. Alors, on passe aux humoristes qui peuvent éventuellement répondre. C'est Godard ou Piala ? C'est Maurice Piala. C'est Maurice Piala, bonne réponse. Ouais. Ok. Et on s'applaudit, quand même. Et donc, toi, Bob, tu pensais à ce fameux réalisateur italien, Roman Polanski. Voilà, Roman Polanski. Ah, d'accord, ok. Il est polonais. J'ai acheté un livre sur lui, il n'y a pas longtemps. Mais il est pas italien. Deuxième question. Dans quelle ville le journal La Montagne a-t-il son siège ? Oh, ça doit être en montagne, ça. Pardon. La Montagne a-t-il son siège ? Merde, c'est quoi, c'est un journal français ? C'est un journal tout à fait français. Vous avez une idée ? Non. Non. Cash, Annecy. Annecy, c'est dingue, pas du tout. Ainsi soit-il. Je crois savoir. C'est vas-y. Allez, juste pour un point. Saint-Étienne. Oh, je jure pas du tout. Ah bah, tu il viens de perdre ma confiance. Il a pas dit au nord de la France. Oh, c'est Clermont-Ferrand. Oui, c'est Clermont-Ferrand. Ah mince. Oui. 0 points. Pendant les événements de mai 68. Excellente période. Ah, la drogue à foison. Pendant les événements de mai 68, le général de Gaulle avait dit oui à la réforme, mais non à quoi ? À la cash, à la chienlit. Bonne réponse. Heureusement qu'on est les anciens. Tout points. Bah, évidemment, dès qu'il y a des questions sur de Gaulle, ça répond. Heureusement que des vieilles là, je vous avais mis qu'un point. Quel acteur a marqué le rôle d'Hamlet tant au théâtre qu'au cinéma ? Je vous donne un indice, il n'est pas français. Allez, Roger Moore. Roger Moore. Ah, qui c'est qui a dit Roger Moore ? Elle est bonne celle-là. Les inhumoristes. Parce que moi, je pense que j'ai la bonne réponse. J'y vais. C'est Laurence Olivier. C'est une très bonne réponse. Oh, un point. Il n'est pas français. Il n'est pas français, lui. Comment? Il est anglais. Il pas français. Ah non, pas du tout, non. Il est quoi? Il est anglais. Ah, il est anglais. Mais j'hésitais avec Orson Welles. Lui, non, c'était Othello qu'il avait fait, Orson Welles. D'accord. Mais c'est pas Shakespeare. Non. Très bien. quel genre de médicament est le Temesta? Ah, j'ai compris. Pour les inintelligents. Le Temesta, c'est un antidépressif, ça. C'est un antidépresseur. Bah ouais, antidépresseur. Ouais. Antidépresseur, on dit. Non, beaucoup. Ça n'est pas un antidépresseur. Attends, tu veux que je saute? Un somnifère. Nous passons aux inhumoristes. Est-ce que vous avez la bonne réponse? Pouvez-vous consulter? Un neuroleptique. Un neuroleptique. Bah oui. Ah, je suis embêté. Un tranquillisant, quoi. Voilà, un tranquillisant. Bonne réponse des inhumoristes. Ah, bravo. Alors là, moi je dis. Ah non, pas du tout. Ah non, les antidépresseurs et les tranquillisants, c'est pas pareil. Ah oui, t'es bien au courant de tout ça. Mais exactement. Le mélange des deux est exceptionnel. Comment on vous écrase là? Mais comment on vous écrase? Ouais, ben non, on est désolé. Dernière question de votre carte pour les inintelligents. Pourquoi l'église Notre-Dame d'Épinal dans les Vosges figure-t-elle dans le livre des records? Ah, pour le nombre de viols sur enfants. Oh. Ah ouais. Remarque, vu le nom de la ville. Épinal. C'est ça, t'as dit Épinal? Oui. Alors, l'église Notre-Dame d'Épinal dans les Vosges est dans le livre des records, donc elle bat un record. Oui, lequel? C'est architectural. Oui, si on veut. Elle a le plus gros clocher. C'est attends, pas c'est à vous pas de répondre. Répondre. Elle a la plus grosse cloche. Hein. Non, ça c'est nous, elle est là. Elle est juste devant moi. Elle a le plus grand nombre de elle marches. Elle s'appelle Bob du club. Des marches de personnes qui chantent au cœur. Dans le Sacré-Cœur, il y a pas mal de marches déjà. Hein. Bah oui. Je te rappelle, Bob, hein, que tu t'en prendras à Mélanie, c'est elle qui a choisi la carte. Oui, c'est mais vrai. Bob, quand je lui ai dit architectural, il m'a dit ouais. Alors donc, oui, voilà, c'est pas vraiment architectural. C'est pas ça, à mon avis. C'est un truc avec le nombre de personnes. C'est à l'endroit où elle est... Non. Une réponse? Eh ben, qu'est-ce qu'on s'en fout d'ailleurs? On sait pas. On s'en branle. Ouais, c'est ça, voilà. C'est quoi, les inhumoristes? Moi, je pense que c'est le nombre de vitraux. Pas tout à fait. Pas tout à fait, c'est pas le nombre de vitraux, mais à l'église Notre-Dame d'Épinal, il y a le plus grand vitrail de France. Bravo, c'était bien. On se retrouve dans quelques instants après une courte pause pour la suite d'On va se marrer avec l'équipe de candidateurs. Retour d'On va se marrer. Et vous l'avez reconnu, c'est René-Marc Guedj de candidateurs. Ouais, qui vient, comme d'habitude, nous parler de candidateurs à Paris, mais aussi ailleurs. Et partout. À Versailles, et tu nous as dit à Lyon. À Lyon, à partir du 7 avril à la Comédie Odéon, j'anime avec Laurent Violet. Ah, c'est le régional de l'étape. Bah évidemment. Il est de Saint-Étienne, si je me rappelle bien. De Chambéry. Oui, il adore, il est stéphanois dans l'âme. Ah, c'est ça. Mais voilà. Il est de Chambéry. Alors, Mélanie Rodriguez, elle est présente. Je suis présente. Elle va monter sur la scène dont on va se marrer. Ouais. J'y suis déjà. Pour nous présenter un extrait de son futur spectacle. Exactement, futur spectacle. Mélanie Rodriguez. Ouais. Merci. Alors moi, quand je rencontre un mec, j'ai une seule règle. Je couche toujours le premier soir. Ah bah c'est une question de sécurité, hein. Au moins, tu sais dans quoi tu t'engages. C'est mon copain qui me l'a conseillé à notre premier rendez-vous. D'ailleurs, depuis qu'on est ensemble, c'est l'amour fou. Entre nous, c'est pas de câlins, pas de fleurs, pas de chocolat, pas d'amis, pas de sexe, pas de conversation. La vraie vie de couple, quoi. Mais il parle pas beaucoup. Il est trop réservé. Il dit que c'est pour me préserver et pas gâcher notre relation. Enfin, c'est bizarre parce que sur le site de rencontre où je l'ai trouvé, pourtant, j'avais pas coché la case souris muette dans mes recherches. Il aime tellement être seul que même quand on fait l'amour, je le trouve distant. Ah bah, c'est simple, hein. Pas besoin de mettre de préservatif. Il pénètre de partout, sauf là où il faut. Il arrête pas de me dire que pour lui, faire l'amour 7 fois par jour, c'est trop dur. Il a toujours une excuse pour rien faire. Je suis fatiguée, j'ai mal au ventre, je suis ballonnée, je suis trop stressée. C'est simple, il veut jamais. Ah bah, vu comme c'est parti, demain il a ses règles. Hein. De toute façon, il est toujours trop tendu, sauf au bon endroit. Et après, il ose me dire que c'est moi l'égoïste. Tout ça parce que quand je me fais mon petit plaisir solo, ben je suis toute seule. En fait, ça c'est parce qu'il est jaloux de Bubule. C'est mon god Michet. Je l'ai appelé comme ça parce qu'il est orange comme le poisson de ma sœur. C'est mon poisson chatte. Puis il me reproche aussi mon manque d'imagination dans notre vie sexuelle qui s'ennuie souvent. Donc pour sauver notre vie de couple, il m'a dit qu'il fallait qu'on fasse un plan à trois. Je lui ai dit, mais attends, ça va pas ou quoi? On pourrait rester en région parisienne, c'est plus simple. Donc bah depuis, j'essaye de faire des efforts pour rebooster un peu sa libido. L'autre soir, je le vois allongé devant la télé, alors je m'approche de lui et je commence à le masser. Je commence vers le bas, puis je remonte sensuellement vers le haut. Et là, il me regarde et il me dit, tiens, t'es vers la télé comment? Tu peux monter le son, s'il te plaît? C'est dans ces moments-là que je vois qu'il essaye de communiquer. Mais malgré tout ce que je fais pour lui, ça lui convient jamais. Je m'étais même fait teindre les cheveux en rouge pour lui faire plaisir, parce qu'en fait, mon mec, il est fan de tuning et du coup, il a voulu faire pareil avec moi. Du coup, les cheveux rouges, la semaine prochaine, je me fais poser des dents en alu et la semaine d'après, je me fais mettre des néons sur les tétons. C'est pas tout, hein. Quand monsieur veut aller à la pêche, je lui achète des poissons. Quand il veut de la chaleur humaine, je lui donne un plaid. Quand il m'amène ses potes, je me les tape tous. Enfin, je veux dire, je m'occupe de lui, je m'occupe de ses potes, je vois pas ce qu'il veut de plus, quoi. Mais bon, voilà, hier soir, grande déception. Il m'a avoué qu'il venait de me tromper. Mais bon, ça, il m'a dit que le soir où il l'avait fait, ça a été vachement dur pour lui et qu'il l'avait pas fait exprès. Moi, ça tombe bien parce que le mec avec qui je l'ai trompé m'a dit... Enfin, je l'ai pas fait exprès non plus. Le mec avec qui je l'ai trompé, il m'a dit... tu sais, la pipe, c'est pas trompé. C'est juste goûter. La sodomie, ça compte pas parce que de toute façon, ça rentre pas. Du coup, on a quand même décidé de se laisser une seconde chance parce qu'on s'aime. Enfin, moi, c'est sûr. Lui, ça fait 4 ans qu'il essaye. Et on a décidé de faire évoluer notre couple. Et donc, bientôt, il y aura un nouvel arrivant à la maison. Un petit caniche. Et pour le petit caniche, on a voulu lui donner un nom en rapport avec notre relation. Un nom qui symbolise notre histoire et qui nous rappelle ce qu'on a vécu. Du coup, on s'est pas mal tâté pour les prénoms et on a décidé de l'appeler Fiasco. Bravo. Merci beaucoup. Eh, pas mal, hein. Excellent, ah oui. Alors, moi, il y a un truc qui me frappe, René Marc, et on le voit avec Mélanie qui est là, et on l'a déjà vu avec d'autres jeunes femmes humoristes qui sont venues ici. Elles y vont, les filles. Ouais, de plus en plus. Oui, de plus en plus. Et jeunes, hein. Ah oui, non, mais c'est presque les garçons, on verra avec Looping tout à l'heure, mais les garçons ont l'air presque timorés à côté. Ah oui, et tu sais qu'on a vécu des, enfin vous savez, on a vécu des candidatures assez étranges, comme ça par hasard, où c'était comme des thématiques pas organisées, où il y avait parfois des femmes humoristes qui arrivaient et qui parlaient de leur galère avec les mecs, et puis des mecs qui arrivaient et qui parlaient de leur solitude sans femme. Et on se retrouvait dans des candidatures où il y avait des débats qui se mettaient en route. Tournée manège et tout. Mais la manière dont la nouvelle génération d'humoristes féminins parle de sexe est très intéressante parce que c'est totalement décomplexé. Ah bah oui, là, c'est ça. Oui, tous les mecs de son copain. Moi, je verrais plus un poisson rouge de la même manière. Et véridique, il s'appelle vraiment Bubule, le poisson de ma sœur. Ah, le poisson, oui. Ah, le poisson. Le god aussi, mais bon, il n'est pas orange. Voilà. Alors. Et d'ailleurs, tu écris toi-même tes textes. Exactement. Mélanie, on est d'accord, parce qu'on encourage toujours les artistes qui écrivent eux-mêmes leurs textes. Ah non, bien mais entendu. C'est formidable, formidable. Alors bientôt, un spectacle. Voilà, exactement, en cours d'écriture. Là, je bosse sur ma demi-heure, qui sera prête pour le 26 mars. Et puis, je vais bosser aussi pour avoir mon petit spectacle, ma petite heure, et puis vous éclatez tous, voilà. Ah bah, tu reviendras nous en parler. Bah, avec grand plaisir. Super, Mélanie Rodriguez. Ouais, bravo. Merci. Oh. Alors Looping, prépare-toi, ce sera toi tout à l'heure. Hein. Je suis prêt. Ah. Oh, le silence. J'ai eu peur, je croyais qu'il était parti. Dis donc. Dans cette émission, nous avons un humoriste, mais qui ne le fait pas exprès. Oui, vous l'avez déjà entendu tout à l'heure. Ah bah oui, évidemment. Je vous propose de lui rendre hommage. Il n'est pas mort. Hein, il est mort, même. Pas. On a l'impression. Ben, ça va pas tarder. Enfin, artistiquement, si, depuis longtemps. Mais Alors, moi, je vous propose... Cérébralement, il est mort. Oh. Oui, ah, bah, ça, oui, c'est... oui, c'est comment dire, la ligne plate, je ne sais plus comment dire. On va retrouver Maurice dans une histoire une histoire. Il rit avant. Je sais pas laquelle, il arrête pas de bouger. Sur le prompteur, ça arrête pas de changer en fait. On va retrouver donc Maurice qui va nous emmener. Ah. On reste sur la thématique, il va nous emmener au sex shop. Ah. Oh. Cool. Alors, une jeune femme rentre dans son sex shop. Dans son. Sex shop. Dans son... Ah, ah. Oui, t'as le sien perso alors. Dans un sex shop. Ça commence bien. Oh là là. Allez. Une jeune femme rentre dans un sex shop. Un sex shop. Pourtant, tu les as tapotés les sexes. Sépare-le. Parce que comme ça, si tu sépares les mots, shop. Voilà. Une jeune femme rentre. Toujours dans une dans boutique même, de sexe. Dans non, une. Non. Non, dans un. Non, non, la blague, un, c'est la blague. Un sex shop. Et demande au vendeur. Il n'y a pas de lubrifiant alors, c'est un sex shop. Oui. Voilà. Et demande au vendeur. SVP, monsieur, je cherche un god, pourriez-vous me renseigner? Le vendeur lui répond. Voilà, vous avez ici tous les modèles. Des gros, des petits, des longs, des vibrants. La jeune femme, hésitante, lui répond. Bon. Donnez-moi ce modèle le plus gros rouge. Oh là, ça va pas. Bon, oh, bah nous, ça bah va elle fait ce qu'elle veut. Hein. Bon, donnez-moi ce modèle le plus gros rouge. Là, le vendeur choqué lui répond. Mais madame, je ne peux pas. C'est l'extincteur. Oh, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ce qui est bien, c'est que c'est fluide comme histoire. Oui. Et, c'est ça, oui. Et avec ça, on voit que non. Maurice n'a fait ni le cours Florent, ni le cours Périmonie, ni aucun cours. Du tout. Du tout. Non. Il n'a même pas été à l'école. Non. On va faire une courte pause. Et attention, attention les inhumoristes, ce sera votre carte du trivial. On va se rattraper. À tout de suite avec l'équipe de candidateurs. Ouais, oh oui, oh oui. Retour d'On va se marrer. On va se marrer. On va se marrer. Le disque est rayé. Ah, t'es tout seul sur ce coup-là. Hein. Avec René-Marc Gage, ouais, le candidateur. Ouais. Il n'est pas venu seul, il est venu avec Mélanie Rodriguez, ouais, et Looping. Ouais. L'excellente Mélanie. Excellent. Alors attention. Looping, on va voir. Oh la pression. On lui met la pression. Looping, toi, on va t'entendre tout à l'heure. Est-ce que tu as déjà un spectacle entier ou une partie de spectacle qui est prête? J'ai une demi-heure qui est déjà écrite et je suis sur la deuxième demi-heure. D'accord. Là, le 1er mai, je joue au Quibélé ou au Théâtre des Feux de la Rampe. C'est pas encore défini. Je joue justement, je rôde ma deuxième demi-heure que je suis en train d'écrire. Eh ben, tu nous mettras tout ça sur la page Facebook d'On va se marrer. Oui. Est-ce que tu as d'ailleurs une page Facebook? Oui, Looping. Par contre, j'ai été obligé de l'écrire détaché parce qu'il faut mettre un nom de famille et un prénom sur Facebook. Donc oui, j'ai cru que c'était chinois au départ. Tu t'appelles Looping. Le mec, il a pas de bol. C'est rebeu, corse et chinois. Alors, merdicule. Comment tu t'appelles? Ah, moi, je m'appelle Looping. Sur Facebook, c'est Looping écrit L2O espace P-I-N-G. D'accord. Et là, il y a toute mon actualité. C'est pas grave. Et toi, Mélanie, tu as un Facebook où les gens peuvent aller? Exactement. Moi, c'est Mélanie Rodriguez avec un Z. C'est comédienne. Toujours là. Ah oui, pourquoi c'est Mélanie Rodriguez comédienne? Vous êtes. Je sais pas. Comédienne. Je sais pas. T'as besoin d'afficher ce que tu es? Non, parce que j'ai un Facebook personnel où je mets où c'est moi. Ah. Et un Facebook. Quand elle se prostitue. Voilà, exactement. Je vends mon corps. Mélanie. Ah. Et c'est lequel? C'est lequel? C'est avec c'est le poisson rouge. Avec le poisson rouge. Voilà la photo de profil, c'est le poisson rouge. Bubule, pas bouboule. J'ai arrêté les boules, je prends les bulles. Voilà, Mélanie Rodriguez, comédienne. Pourquoi, je ne sais pas, mais c'est comme ça. Oui, bah en même temps, t'es pas charcutière. Exactement. Je sais pas. Et puis, il y a la page, bien sûr, de candidateur où on peut retrouver toutes les infos. Oui, la nouvelle candidateur, la nouvelle scène ouverte parisienne, sans audition et sans Jean-Benguigui. Voilà. Ça, c'est le nom complet de la page. Ben c'est bien, c'est que tu facilites les choses. Non, mais Ben Guigui a téléphoné au Théâtre des Feux de la Rampe au début de l'émission de Ruquier. Il nous a demandé d'enlever cette pub-là. Donc maintenant, il n'y a plus sans Jean Ben Guigui. Mais on le pense quand même, on le dit sur scène. Ah oui, donc pas susceptible du tout, le gars. Ah, ouais. Ah non, non, il a, quand on a commencé la pub de Candidator au début sur Internet, il a appelé le Théâtre des Feux de la Rampe, et c'est le Théâtre des Feux de la Rampe qui nous a demandé d'enlever 100 Jean Benguigui sur notre communication. Ouais, il est dedans. Ouais. Parce qu'au départ, on a créé Candidator en marge de l'émission qui se permettait de buzzer, d'éliminer les gens et de les juger en deux minutes. Ça, ouais. On ne peut pas juger un artiste sur deux minutes. Je me rappelle bien, j'étais là à la deuxième de Candidator. Bah oui, j'ai une anecdote d'ailleurs. J'ai compris, ça y est. J'ai une anecdote sur le sujet, c'est Jean-Marie Bigard qui auditionne pour le théâtre de Bouvard et Bouvard dit à Jean-Marie Bigard: qu'est-ce que vous faites dans la vie? Et Bigard dit: je suis apprenti boulanger. Et Bouvard lui dit continuez. Oui, sous-entendu, oui, vous ne pouvez pas être comédien. Et c'est devenu Jean-Marie Bigard. Voilà, c'est tout. Donc on ne peut pas juger. Oui, non. C'est un exemple parmi tant d'autres. On ne peut pas juger sur deux minutes avec un buzzer. C'est impossible. Donc voilà pourquoi on s'en prenait à Jean Benguigui, qui se permet, avec la carrière qu'il a et que personne ne connaît, de juger les artistes, oui, comme ça à la télévision. Et bim, qui a toujours eu des petits rôles. Bah ouais, d'ailleurs, c'est vrai. Alors les inhumoristes, c'est-à-dire Looping, René Marc et Gégé. On va vous piler. J'espère que vous êtes prêts, car c'est l'heure de votre carte de merde. Mélanie et Bob. Vous êtes prêts? Attends, j'explique à Mélanie. Elle a dit Mélanie est bonne. Mélanie, si ça ne peut pas répondre, Mélanie, c'est à nous de répondre. Je crois qu'elle a bien compris le concept. T'inquiète. Vu votre score de tout à l'heure, on est un peu tranquille. Oui, attention. On a 22 points d'avance. Alors là, attention. Ça peut se battre. C'est parti. Quel dauphin Hitler s'était-il choisi en 1941 au sein du personnel politique nazi? Flipper, oui. Ils ont répondu, hein. C'est un cash. J'ai pas dit cash. C'est pas Göring. C'est ce que j'allais dire. Mais dauphin, attention, mais c'est ce que j'allais dire. Moi, je pense que c'est Göring. La tête de Looping. Ah bah ouais, là. Bah oui, vas-y, dis-le. Göring. Non. Bonne réponse. Ouais. Merde, un point. Quel tableau de Robert Delaunay célèbre un des premiers exploits aéronautiques? Bah vas-y, Looping, réponds. Ah bah oui, aéronautique, Looping, c'est pour toi. Alors ça... Ah moi je suis nul en peinture. Alors là, ah ouais, mais ce tableau je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Alors là non. Manu, t'as pas internet là ? Non. Non. Manu. Qu'est-ce qu'il y a ? Manu est en train de tricher. Ferme cette tablette. Manu est en train de tricher. Je regardais mes mails. Non, c'est un peu facile. Non, vraiment, nous, on ne sait pas. Là, on est honnête, on ne sait pas. Alors, quel tableau en face, un des premiers exploits aéronautiques? Si on ne sait pas, je pense que ce n'est pas la peine de leur demander. Clément Ader. Qui ça? Clément Ader. Non, mais c'est le nom du tableau qui est demandé, apparemment. Oui. Ah, le nom du. Ah ouais, tu imagines. Il y a le nom de l'aviateur en question. Bah, à mon avis, c'est Clément Ader, mais. Ah non, un des premiers exploits. Oui, c'est avant ça, c'est au 19e. Pas de réponse. Le tableau s'appelait L'hommage à Blériot. Ah, c'est Blériot. Ah, putain, Blériot. Il avait la Blériot Nagy, le bon. Voilà. J'essaye un jeu de mots raté, c'est pas grave. Non, mais on va le garder, celui-là. Qui arbitrait le face-à-face télévisé entre Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand en 1981? Oh la vache, je l'ai vu, ce débat. Quatre propositions. Attends. Quatre propositions. Michel Cotta, Alain Duhamel, Jean-Pierre Elkabbach ou Christine Ockrent? Ah, je crois savoir. Moi, je pense à Duhamel. Moi, je pense à Elkabbach. Là, vous êtes en train de vous consulter. Oui, il se consulte. Il se consulte. Il se consulte. J'étais pas là, mais c'est Elkabbach. Et alors, Bob, je vais même te dire, comme Looping vient d'Ajaccio, c'est le premier consulte. Je revois pas Duhamel. Napoléon. On dit un cash ou pas? On peut dire un cash. Non, il n'y a plus de cash. Là, vous êtes. Non, mais moi, à l'époque, je m'occupais pas du tout de la politique. Tu me laisses faire? Tu m'en voudras pas au cas où? Non, pas du tout. Moi, je revois Elkabbach, je sais pas pourquoi. Je me dis que c'est Elkabbach. Non, Elkabbach, c'est lui qui a annoncé le nom de l'élection de François Mitterrand en 80. Mais non, ça n'était pas lui. Ah merde, t'avais raison. Alors, cash. Non, mais il n'y a pas de cash. Alain Duhamel. Pour les inintelligents, il vous reste Michel Cotta, Alain Duhamel ou Christine Ockrent. Oui, c'est Alain Duhamel. Allez, vous dites Alain Duhamel? Oui. C'était Michel Cotta. Ah ben. Non. En 74. Hein. Ah non, en 80, pardon. Dans quel film de Walt Disney, le rôle du méchant est tenu par la terrible Cruella? Ah. Ouais! Attends, c'est pas nous! Cache! Les 101 Dalmatiens! Les 101 Dalmatiens! Oh, bonne réponse! Celle-là, je la connaissais! 2 points! Nul! 2 points, ils sont un peu consultés quand même! Hein. Non! Bah non, ils sont pas consultés! Non, pas trop! Si, et ils vous écrasent! C'est des mauvais joueurs! Avec quel matériau a été construit le palais idéal du facteur cheval? Oh, je l'ai vu! C'est à Chartres. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Tu n'as pas de micro, GG, tu es trop loin. Non, on t'entend pas. Cash. Oui. J'y vais. La céramique. De la céramique? Ouais. Pas du tout. Ah, pas du tout. En face, les inintelligents. C'est en béton? Moi, ouais, franchement, je ne l'ai même pas vu. C'est en ciment? Avec de la glace, avec de la glace. Oh. Vous pouvez répéter la question? En quoi ils ont dit? C'est soit en coquillage, soit en ciment. En coquillage. En coquillage, oui, oui, oui. C'est... Mais bon, moi, je sais pas, donc je donne des votre idées. Votre réponse? En plâtre? Non, c'est dehors. Votre dehors. Réponse? Bah, en coquillage, je sais pas. En coquillage? Ouais, ça me fait rêver, ça. C'était avec des galets. Bon, on n'est pas loin. Oh, bah, dis donc. C'était pas dernière loin. Question de votre carte pour les inhumoristes. En 1991... obligé de préciser. Oh, j'avais... Quel pays d'Europe disposait du plus grand stade en plein air depuis 1934? Un indice quand même, c'est un pays qui n'existe plus. Bah, je sais. Cash. Yougoslavie. Dites la Yougoslavie. Ouais. Non. Ça. Oh, les inintelligents. Un pays non, qui je cherche plus un maintenant. Pays qui n'existe plus. J'ai dit la Yougoslavie. Non, non, c'est pas la Yougo. Bah, c'est pas la RDA ou la RFA, mais c'est... Ah, oui l'Allemagne de l'Est. Bah oui, l'Allemagne de l'Est. Ouais. L'Allemagne de l'Est, bah, c'est à la RDA. Eh, on leur a mâché le travail. C'était la Tchécoslovaquie. Ah, idiote. Mais attends, ça existe encore la Tchécoslovaquie? Non, il y a la République tchèque et la Slovaquie. Ah, la République tchèque, ah oui, bien sûr. Donc je te répéterai hors antenne la question, Bob, parce que les auditeurs ont compris. D'accord. Eh bien, bon, les inintelligents, il va falloir. Non, il ne faut plus rien faire. Non, bah non, vous ne pouvez plus rien faire. On ne s'en tire pas trop mal encore. Hein. Ouais, c'est sûr. Bien. Bon, bah écoutez, on va voir. Il faut quand même que vous admettiez quand vous êtes beaucoup. Hein. Ouais, non, mais attends. Bien. Absolument pas. Vous réglerez vendu, vos comptes vendu, hors antenne. Vendu. Pendant ce temps-là, Looping se prépare à monter sur la scène de On va se marrer. A tout de suite après cette courte pause. Ouais. Retour dans On va se marrer avec l'équipe de candidateurs. Alors candidateurs. Et Frédéric Costel. Ah merci Bob, vous êtes bon. Alors René Mar, on va reparler un petit peu de candidateurs. J'espère bien parce toujours. Qu'on n'en parle pas beaucoup. Ça fonctionne. On est un peu là pour ça aussi. Oui. Ça marche toujours. Oui, ça. Le public répond toujours présent. Alors oui, le public est toujours là. Ce qui est étonnant, c'est qu'on nous prédisait que ça allait pas durer longtemps. Candidateurs, ça m'éclate bien. On essaie toujours de se renouveler tout le temps, vous le savez. Et le coup des pantoufles est né à peine cette année pour la troisième saison. Mais on essaie toujours de se remettre en question. Je pense que c'est avancer dans la vie, c'est se remettre toujours en question. Toujours. Et alors du coup, il y a plein d'artistes qui sont mal reçus à candidateurs, parce que c'est vrai que c'est une scène ouverte sans audition, sans présélection, et puis que parfois, sur scène, soit les pantoufles tombent, soit je me permets, il y a un petit poussin au bout de 5 minutes qui fait cuit-cuit pour respecter les 5 minutes, et oui. Soit je me permets d'intervenir quand c'est vraiment trop naze. Donc il y a pas mal d'artistes qui nous ont dit que candidateur ne durerait pas longtemps parce qu'on est trop... Trop méchant. Mais une sélection naturelle s'est mise en place, ah bah oui. Et c'était un petit peu le but. Et en 3 ans, puisqu'on en est à la 3e année, des talents sont en train de naître de candidateurs. Il y a même des imitateurs qui viennent. Mais oui. Ah bon? Oui. Pas mal. Mais toujours est-il que le concept est en train de faire naître des talents, puisque nous les suivons et nous leur permettons de se produire à droite et à gauche. Il y a toujours C'est la vie qui marche très bien. Ah ben C'est la vie, elle est en train de faire un carton à Versailles. Et puis là, j'ai une bonne nouvelle pour vous parce qu'elle est à l'affiche jusqu'à... C'est un scoop. Ouais, c'est un scoop. Elle continue à Paris au Théâtre Le Bou tous les vendredis et samedis à 20h15. Super. Et elle fait le boui-boui à Lyon pendant tout le mois d'août du mardi au samedi. Oh, bravo, oh bah, ça s'applaudit. Ah bah oui, bravo. S'applaudit. Oui, c'est vrai que c'est une découverte candidateur. Ah oui, C'est la vie, c'est l'exemple type d'une artiste qui est née à candidateur et que nous produisons à côté. Ouais. Elle est venue nous voir 2 fois déjà. Ouais, et on s'est bien marré avec elle. Ouais. Ouais. Looping, tu es prêt? C'est parti. Et bien maintenant, c'est Looping qui monte sur la scène dont va se marrer pour un extrait de son spectacle. Ouais. Le plus souvent, je me rappelle que j'oublie et ça m'aide à me souvenir. Mais l'autre jour, j'ai oublié de me rappeler que j'oubliais souvent et j'ai eu du mal à me souvenir. Du coup, je m'en rappelais de rien. Tout ça pour vous dire que j'ai aucune mémoire. Par contre, il y a un jour que j'oublierai jamais, c'est le jour de ma naissance. Peut-être parce que c'est le plus gros traumatisme de ma vie. Je suis né le jour de l'an, le 1er janvier 1983, 0h10. Et mes parents, ils sont arrivés à l'hôpital le 31 décembre 1982, vers 22h. Un an avant. À l'hôpital, tout le monde était défoncé. L'équipe de garde, ils étaient à l'apéro depuis 16h. Le docteur se baladait avec une perfusion de champagne dans le bras gauche et aucun bras droit. Que des bras cassés dans son équipe. Ma mère, à peine allongée, pour la détendre, ils lui ont fait boire 2 verres de champagne et une tequila frappée. Elle avait jamais bu d'alcool de sa vie, oh. Sa première cuite, elle l'a prise à l'hôpital. Je te jure, tu sais pas quoi faire le jour de l'an. Tu veux boire un coup à l'œil, tu te coupes les veines, tu montes aux urgences, tu vas te régaler. Mon père, pareil. Il était à 3 grammes la première fois qu'il m'a vu. Je pense que c'est pour ça qu'il m'a jamais reconnu. Le docteur, il était tellement défoncé qu'au moment de couper le cordon ombilical, il a coupé ma teub. J'ai été circoncis, j'avais même pas 2 minutes. Oh, le ciseau, il m'a regardé, il m'a fait « Aïe, ta vie, ça va être de la merde, mon gars. De la grosse merde. » Puis en même temps, heureusement qu'il s'est trompé, parce que quand il m'a laissé tomber comme une merde à 2 cm du sol, c'est le cordon ombilical qui m'a sauvé la vie. Ma queue, elle m'aurait servi à rien du tout à ce moment-là. C'était mon premier, mon dernier saut à l'élastique. J'en ai plus jamais refait de ma vie. Non, je te jure, j'avoue, j'ai une naissance très moche, mais je suis quand même né sur l'île de beauté, à Ajaccio, en Corse du Sud. La Corse est une île magnifique. Voilà, j'avais quelques blagues sur les Corses, mais comme j'ai encore de la famille qui habite sur place... Non mais c'est vrai, à chaque fois que je dis que je suis né à Ajaccio, les gens ils ont toujours une réaction hallucinante. Il y a des Arabes en Corse? Et ça se passe comment pour la survie, tout ça? C'est comme si j'avais dit je suis né à Mitrovica, en ex-Yougoslavie. Bien sûr qu'il y a des Arabes en Corse, on n'a pas tous réussi à nager jusqu'à Marseille. Je m'en rappelle, la première meuf que j'ai rencontrée à Paris, elle m'a dit « La Corse, c'est de la bombe, ça pète grave, les soirées, elles flinguent, les mecs, ils tuent, c'est mortel !» Ah ben si tu le dis... Non mais c'est vrai, il y a plein d'idées reçues sur la Corse, le racisme par exemple. C'est faux, il n'y a pas plus de racisme à Paris qu'à Ajaccio. Même si c'est vrai qu'à Ajaccio, il n'y a pas de noir. Mais ça, c'est à cause de la chaleur, les mecs, ils supportent pas, tu vois. C'est trop chaud, mais c'est pas du racisme. Parce que si tu regardes bien, il y a autant de noirs à Ajaccio que de blancs à Château-Rouge. Il n'y en a pas. Ah si, je me rappelle, il y avait un noir à Ajaccio, il s'appelait Michael. Et à chaque fois qu'il passait en ville, tout le monde se figeait. Comme s'ils avaient vu passer un ours. T'as vu ce que j'ai vu? C'était un ours. Des tarés, je te jure. Non, il y a les plus belles plages aussi à Ajaccio. Et question plage, je peux dire que j'en connais un rayon. Moi, j'ai fait un peu le tour des plages en France. Marseille, Bordeaux, la Seine. J'en ai jamais vu d'aussi belles qu'en Corse. Non, je me rappelle, j'étais vraiment bien là-bas. Je me rappelle que de ma fenêtre, j'avais vu sur la mer et le camp de vacances. Aujourd'hui, j'habite à Saint-Denis et de ma fenêtre, j'ai une vue amère sur un camp de Rome. Bravo. Looping. Pas mal non plus, hein. Ah, ça promet. T'as vu? C'est une bonne cuvée. Ah oui, excellent. Ouais, ouais, excellent. Ouais, ouais. Alors, Looping, on va pouvoir te voir bientôt, donc aussi pour ta demi-heure. Oui, bientôt. Donc, soit au théâtre, au petit théâtre du Quibélé, 12 rue de l'Échiquier à Paris, soit au théâtre de Feu de la Rampe. C'est pas on saura tout ça sur ton Facebook. Sur mon Facebook. Looping. Il a fait le candidateur à Versailles avec nous il n'y a pas très longtemps, avec Blandine Métayer et Alain Bernard. Comment va Blandine? Mais très, très bien. Elle est top. Bien. Elle est toujours. Top, toujours, ça cartonne. C'est ouais. Le titre de son spectacle. Et justement, Blandine, elle a vachement apprécié Looping. Ah, mais vachement. Les deux humoristes que tu nous as amenés ce soir ont forcément de l'avenir, à entendre les extraits qu'on a vus. Merci beaucoup, c'est toujours le cas des gens que je vous amène. Oui. Exactement, on peut encore les applaudir. On a eu Mélanie Rodriguez tout à l'heure et Looping à l'instant. Merci. Alors, on a un quota Cotorep hein, dans cette émission. Mince. On était obligé de passer des blagues de Maurice, parce que sinon on n'a pas les subventions. Donc, Alzheimer présente. Et Maurice nous parle maintenant d'un animal que vous allez reconnaître tout de suite. Mon cher Bastien, quel est l'animal qui n'a jamais bu, qui n'a jamais soif? Là, si tu l'as fait comme ça, on ne va pas la comprendre. Est-ce que pour une fois, je peux répondre? Non, il faut lui laisser trouver. Hein. D'accord. Alors, bon. Mon cher Bastien, quel est l'animal qui n'a jamais soif? Ah, écoute, mon cher Maurice, je ne sais pas. Le zébu, car quand j'ai bu, j'ai non, plus soif. Non, non, non, mais non, voilà. Parce que là, ma main, elle va partir dans ta gueule. Non. Ça fait 10 ans que tu la racontes, cette histoire, alors merde. Quand j'ai bu, j'ai plus soif. Non, non. Quand j'ai bu. Quand... Non, alors, quand j'ai... Oh, non, j'arrive. Oh, mais attends, quand moi aussi. Plus... Ah, non. Eh oui, c'est Maurice. Bravo Maurice. Ah, il nous manque. Ah bon? Ah ouais, il nous il manque. Il sculptive. Hein. C'est dommage qu'il soit pas là. Je... Ah oui, c'est dommage qu'il soit pas là. Ouais, ben non, on espère il a que... quel âge? Il a quel âge maintenant? Maurice? Ouais. Je, écoute, je sais pas trop quel âge il a exactement. Je peux juste te dire qu'il était... Il dînait au Café du Croissant quand Jaurès a été assassiné. Non. Voilà. Parce que ça va être les 100 ans de Jaurès. Ah, on va se retrouver pour une tournée de blagues avec l'équipe de Candidators juste après cette courte pause. Restez avec nous. Ouais. Retour dans Vasse Marée. Sans Philippe Bello exceptionnellement, et oui. Mais avec l'équipe assassiné de... par l'imposteur. Et j'ai appris qu'il était au lit, Philippe. Oui. Mais oui. Il est dans de mauvais draps. Voilà, ah, c'est ça. Oh. Oui, mais il est très content. Oui. Il est ravi au lit. Oh. Il a un pied dans la tombe la et l'autre qui glisse. Et on l'a... Ah, ben c'est du niveau, qu'est-ce que tu veux. Il y a du level, là. Il y a du... Alors, candidateur. Oui, candidateur. Tous oui. Les, c'est tous les dimanches au Feu de la Rampe à Paris. Oui. Mais il y a, chaque fin d'année, ça va devenir une tradition, ça va être la troisième année. Oui. Je suppose que vous le faites cette année aussi. Oui, c'est la troisième fois. La remise des molaires. Oui, parce qu'en fait, nous avons... en fait, là, il y a... Pour y a... tous les humoristes qui ont une dent contre vous. Voilà. Non, mais c'était dans ce but-là, Frédéric, tout à fait. En fait, il y a trois ans, quand on a démarré Candidator, ça a été la scission entre les théâtres privés et les théâtres subventionnés pour les molières. Et du coup, les molières ont été annulées. Et depuis, les molières n'ont pas repris. Et même si je connais les détails, on ne va pas les dévoiler sur l'antenne. Donc, nous avions décidé cette année-là, comme il n'y avait pas de molières, de créer la remise... C'est pas notre genre de dire du mal. Non, absolument non, pas. Jamais. Mais nous avons décidé de créer la remise des molières. Et nous avons fait la parodie des molières, c'est-à-dire que en fait, nous remettons le sketch, la molaire du sketch le plus nul, de l'artiste la mieux gaulée. Ah, celui-là, je l'ai eu, moi. Voilà, ah non, c'est pas celui-là, pardon. Moi aussi. Du poème le plus naze, etc. Et tu es même revenu, la tu es même venu remettre des prix. Allez, les deux années, je suis venu pour... j'ai été remettant. Voilà, et si ça t'intéresse de nous rejoindre à nouveau, ce sera le 22, oh bah c'est le 22 juin. Mais alors cette année, pour la troisième, ça va être à Versailles. Ah. Ça va être à Versailles, au théâtre de la Royal Factory, le dimanche 22 juin à 17h, avec un putain de plateau. Oh, parce pardon. Que comme c'est Versailles, là, ça vient en Rolls-Royce. Quoi. Ah, oui, oui. Donc, on récupère un petit peu tous les parrains qu'on a eu pendant trois ans, les Olivier de Benoît et compagnie. Nice. Et on va faire une troisième remise des molaires filmée par la télévision en Oula. Direct, enfin, direct, en différé, mais à Versailles, le 22 juin à 17h. Ah oui, donc il faut que je loue un smoking alors. Ah, tu vas louer un smoking. Et l'avantage de cette salle, c'est que c'est un théâtre de 200 places magnifique, c'est qu'on peut projeter des vidéos, on peut faire de la projection vidéo, et nous allons pouvoir faire comme à la soirée des Molières, projeter des vidéos des disparus, machin, tout ça. Enfin, t'imagines le délire. Incroyable. Oh, c'est gay. Je vous passerai une photo de Maurice. Déjà parmi... Ah non, déjà parmi les disparus, on a Dieudonné, nous, déjà. Ah oui, bah, ah, oui déjà, mais il est perdu en route. À jamais. Oui. Très bien. Et bien maintenant, chers amis, tout le monde est prêt? Manu, tu es prêt? Non, toujours. Moi. C'est toi qui vas démarrer cette tournée de blagues. Et maintenant, quand on va se marrer, c'est l'heure de la tournée. La tournée de blagues. Tiens, j'ai aperçu ta copine l'autre jour, mais je crois qu'elle m'a pas vu. Je sais, elle me l'a dit. Maurice sort de ce corps. C'est vachement bien. J'ai le casque de Maurice. Mesdames et messieurs, vous venez d'assister à un naufrage en direct. Tu l'as pas comprise? Hein? Tu l'as pas comprise? Non, mais je suis pas le seul, je crois. Personne ne l'a comprise. Moi, j'ai une vanne toute mignonne. Vas-y, Mélanie. Toute gentille. Il n'y a pas sexe, ni cul, ni chatte. Non, mais c'est en rapport. Ah d'accord. Légèrement. On se refait pas. Non, oui, exactement, on se refait pas. Non, laissez parler Mélanie, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc c'est un petit garçon tout mignon qui va demander à son papa, papa, c'est quoi un clitoris? Bah mon fils, écoute, t'aurais dû me demander hier soir, je l'avais sur le bout de la langue. Ah, elle est mignonne. elle est mignonne. Comme il nous faut un petit peu d'argent, la blague de Bob est sponsorisée. La blague de Bob vous est présentée par les ciseaux Coupe-Tout. La blague de Bob, sitôt racontée, sitôt coupée. C'est deux types qui se croisent. T'inquiète dans pas, c'est la rue. Mienne qui sera coupée. Tiens. Salut René Marc. Ah bah tiens. Ah bah oui, attends. Figure-toi que ma belle-mère est morte la semaine dernière. Oh merde, qu'est-ce qu'elle avait? Bof, trois fois rien. Deux chaises, une table, un buffet. Oh, mais... Bob, mais... c'est toute la semaine, toutes les semaines la mais même. Tu nous l'as déjà raconté la semaine dernière. J'ai un abonnement pour cette blague. Oui, ah d'accord. Ça s'appelle un comique de répétition. Il touche à chaque fois. Oh, il touche plus à son âge. Alors, tous les ans, c'est deux puces, des petites puces. Non, des puces. Ah, j'ai eu peur. Elles se retrouvent à Hawaï, elles passent leurs vacances à Hawaï. Et là, seulement chaque année, il y en a une des deux qui arrive, c'est toujours la même, frigorifiée. Elle arrive, elle est complètement gelée. Mais il y a la deuxième qui demande, mais dites donc, je suis à la place de Philippe, donc faut que je fasse des petites voix aussi. Mais dites donc, comment ça se fait que chaque année t'arrives complètement congelée? Eh ben, c'est simple. Chaque année, je viens dans les moustaches d'un mec qui a vélo, alors je prends tout le vent dans la figure et donc j'ai très froid. Ah bon, très bien. Mais fais comme moi, lui dit l'autre. Tous les ans, moi, je prends le premier vol en partance pour Hawaï. Je repère une jolie petite hôtesse de l'air. Je me mets dans sa culotte en attendant d'arriver. Tu verras, il fait bon, c'est un petit peu humide, c'est très agréable. L'année d'après, les deux puces se retrouvent comme d'habitude à Hawaï. Et la petite puce arrive, encore une fois, complètement gelée. Ah, mais alors, tu m'as pas écouté? Mais si, je t'ai écouté. J'ai pris le premier vol en partance pour Hawaï, je me suis glissé dans la jupe d'une belle hôtesse, je me suis mis dans sa culotte et je me suis trouvé tellement bien dedans que je me suis endormi. Mais alors, qu'est-ce qui t'est arrivé? Eh ben, devine quoi? Je me suis réveillé dans les moustaches d'un mec à vélo. Il fallait faire une petite voix en hommage à Philippe. Oui. La blague mignonne de Gégé. Gégé, un petit sponsor. Un petit sponsor pour Gégé. Et voici la blague de Gégé. Une blague à ne pas mettre entre toutes les oreilles. Oh, n'importe quoi. au moins, c'est clair. Une fille fait du stop. Un homme s'arrête et lui demande : vous n'avez pas peur de monter avec un inconnu ? Ah, bah, vous savez, 25 cm dans le cul, c'est toujours mieux que 20 km dans les jambes. Oh non ! Quand on vous avait dit qu'elle n'était pas à mettre entre toutes les oreilles. Oui. C'est deux mecs qui ne se sont pas rencontrés depuis au moins 25 ans. Ah. Oh ben Maurice, depuis le temps que je t'ai pas vu, qu'est-ce que tu deviens? Tu fais quoi? Bah, il dit, je suis professeur de logique. Pardon, c'est quoi professeur de logique? Bah, attends, je t'explique. Bah, voilà, professeur de logique, c'est est-ce que t'aimes les aquariums? L'autre, il fait oui, j'aime bien les aquariums. Et dans ce cas, si t'aimes les aquariums, ça veut dire que t'aimes les poissons. Ah bah oui, j'adore les poissons. Donc si t'aimes les poissons, ça veut dire que t'aimes les animaux. Bah j'adore les animaux. Et si t'aimes les animaux, c'est que t'aimes la nature. Bah évidemment, j'aime la nature, ça coule de source. Et si t'aimes la nature, c'est que t'aimes les femmes. Ah bah oui, moi j'adore les femmes. Eh, tu vois, aquarium, femme. T'as vu ça? C'est ça, professeur de logique. Putain, le mec, il est épaté, quoi. Il va au bistrot le soir même et tout. Il dit, ah, il croise Daniel. Il fait, Daniel, tu sais pas qui je viens de croiser? Non, tu te rappelles Maurice? Putain, Maurice, qu'est-ce qu'il devient? Ben, il est professeur de logique. Non, qu'est-ce que c'est ça? Ben, attends, je t'explique, il m'a tout raconté. Est-ce que t'aimes les aquariums? Non, tu fais, non, j'aime pas du tout les aquariums, moi. Ah bon? T'es pédé, alors? C'est logique. C'est joli. C'est logique. C'est logique. La blague de Looping. Alors c'est la maîtresse qui demande à Manu. Dans la phrase, le voleur est arrêté. Où se trouve le sujet? Bah sûrement en prison, madame. C'est du vécu, ça, c'est du vécu. Nous venons d'entendre des blagues drôles, bien racontées. J'espère. Pour contrebalancer tout ça, je vous propose de retrouver... Maurice, bien sûr. Blague de Maurice. France Alzheimer présente la blague de Maurice. Mon cher Fred, j'ai trois poussins, j'en veux que deux. Qu'est-ce que je fais? Sur un bar. Non, sur un bar. J'ai trois poussins sur un bar. Oui. Eh ben. Ben non. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Les trois poussins sur un bar. Alors refais-lui depuis le début. Hein. Mon cher Fred, j'ai trois poussins sur un bar. Qu'est-ce que j'en veux que deux? Qu'est-ce que je fais? Je sais pas. Et j'en jette un. Allez, on se la refait. Non, on se la refait pas. On se la refait pas. Il faut faire comme l'autre. Il faut te jeter à la flotte depuis un porte-avions américain. C'est pas possible. Non, mais c'est pas possible. Il y arrive jamais en fait. Ce pauvre Maurice. Mais non, mais il arrive plus à rien à son âge. Ça, c'est qu'il ne comprend pas ce qu'il lit. Mais oui. Non, mais c'est vrai, ça. C'est une réalité. Ou... Donc, c'est une réalité. Il est dyslexique, c'est quoi le truc hein? Ah bah ça, oui. Bon, chers amis, nous arrivons bientôt à la fin de cette émission. Oh non. Et comme chaque semaine, à la fin de chaque émission, je vais vous le sortir. Ah ouais. Ouais. Oh, c'est gros. Oui. Non, il est ça va de taille normale. C'est un petit. C'est un petit, et je vous le sors juste après cette courte pause. Ah ouais. Retour d'On va se marrer. On va se marrer. On va se marrer. On va se marrer. La la la la la la la la la. toujours aussi culturel cette émission avec candidateur. Voilà, candidateur aujourd'hui. C'est parce qu'il faut pas nous accueillir avec de l'alcool. Et René Marc nous a amené cette semaine. Je vous rappelle le nom des deux humoristes qui sont avec nous. Mélanie Rodriguez. Bravo. Ouais. Merci. Et Looping. Ouais. Alors. Chaque semaine, en fin d'émission, vous le sors, mais rassurez-vous, rien de cochon, c'est un petit quiz musical, il y a 8 interprètes à découvrir, celui qui fait un strike, qui trouve les 8 interprètes, je lui paye un paquet de chips, ouais, c'est pas évident. Parce qu'il y en a un qui est introuvable, je vous préviens d'avance, même Bob ne peut pas le trouver. Mais on va rigoler quand même. Et le thème de cette semaine, car nous avons un ange avec nous en la personne de Mélanie. Donc le thème, c'est les anges. 8 chanteurs qui parlent des anges ou qui prononcent le mot ange. Vous notez sur vos petits papiers. Et puis on se retrouve juste après. Bob, le tout premier extrait. Ah, alors là, je me suis entraîné. Oui. Le premier extrait, c'est le premier extrait. Non, c'est le jingle. Mon pauvre Maurice. Bras en cherchant l'oubli dans mon petit ange, dans petit enfant, et l'air distendu en salive que nos mots. On veut se mettre aux anges. Un ange frappe à ma porte. Est-ce que je le laisse entrer? Ce n'est pas toujours ma faute. Si les choses sont cassées, le diable frappe à ma porte. WC clos et ombre portée sur tes bachères sous ta robe Chloé. Je remonte tes cuisses, mon ange avale la pente. Et toi, toi tu penses au passé. Au peuple qui pas des anges sur les vitraux des églises. Si haut, toujours de plus en plus haut que depuis longtemps déjà. Moi je tutoie les anges. On me connaît au paradis. Cherchez. Depuis le temps que je viens, c'est le plus difficile. Ah, oui. Alors, je vais. Johnny. C'est la première fois que je le fais. Ah ouais. Bob, tu sais qu'on t'entend même quand tu tournes la tête. Ah oui, d'accord. Mais c'est vrai, parce que j'ai le micro qui est collé. Que la tête. Je vais donner un indice de cinéphile pour René Marc, car je sais qu'il est cinéphile. Pour le numéro 6, qui est quasiment introuvable, celui qui est mort, là. Je vais te donner un indice. Oui. Il a joué dans Le Grand Pardon. Ah bon? Oui. Oh. Avec Roger Adam. Oui, je sais. Ah, Le Grand Pardon, c'est pas jamais plus. Ah oui. Lui, hein. Il jouait le rôle du vieux chanteur. Oh, putain, je... ah, c'est pas facile. Ah, oui, c'est pas facile. Alors, GG, tu en as trouvé combien ? J'en ai 3 et peut-être 4. Ah, René Marc. Non, moi c'est la cata, je suis sûr de 2. Ah, Looping, t'en as recopié combien ? J'ai réussi à en recopier 1, mais j'en ai par moi-même. Ça fait 3 en tout. Bon. Nani ? 2 et peut-être 7. Hein. Bravo, ah ouais, bravo Manu. Bravo Manu. Mélanie. Moi j'en ai 3 sûrs et peut-être 5. Aha. Et Bob. Moi j'en ai 3 et si je le 6 me revient, j'en aurai 4. D'accord. Bob. Oui. On va faire comme Maurice. Oui, on va se décomposer. On va décomposer la maxi-tête, j'allais dire. Non, le quiz. Maxi-tête, c'était il y a des années, ça. Priorité aux invités, bien sûr. Alors. Aznavour. Aznavour. Bravo, man. Ferme ta gueule, le sinon, numéro 3. Alors là, j'en sais rien du tout. Personne ne sait. Oh, des chanteurs dépressifs, il n'y en a pas tellement. Bah, attends, tout cela déjà. J'ai mis un nom, mais... Dépressif et déprimant, quand même. À la barrière. Non, plus jeune. Benabar. Ah non, Benabar, c'est plus joyeux. Jean-Louis Murat. Jean-Louis Murat, bravo, oh. GG. Oh, alors là, dis donc, bravo. Ah. Oui. Natacha Saint-Pierre. Bravo, Mélanie. Bravo. C'est moi qui te l'ai donné celui-là. Ta robe, Chloé. C'est encore dépressif là. Son prénom n'est pas Gustave. On dirait Ferra. Tu penses au passé. Oh non, c'est un tout jeune ça. Puis tu te mets à bafouiller un joli et cendré laissé. Ah, c'est pas le mec là, j'ai fait du slam. Comment ? Stromae. Le mec qui fait du Grand slam. Corps malade ? Oui. Grand corps malade ? Ah, pas non. Fauve ? Non. Non, j'ai pas trouvé là. Nouvelle star ? Nouvelle star ? Attends. Il s'appelle pas Gustave ? Julien Doré. Julien Doré, bravo Mélanie. Ah bon ? Ah oui, c'est l'arrière petit neveu de Gustave Mélanie. Doré, je crois. Ah putain, oui. J'y ai. Alors attention Bob, maintenant c'est pour toi. La voilà. Armand Mestrel. Bravo Bob du club. Alors là. Joli. Moi j'avais pensé à Tino Rossi. Eh oui. Alors là, je joue Bob. Dans le grand pardon. Bravo. C'est pour ça que je l'ai trouvé. Ouais. Armand Mestral. Moi, j'aurais pas trouvé. Moi, j'avais pensé à Martin Circus. Non. Non, je sais pas. Patrick Sébastien. Non. Monsieur, Madame Villard ont une fille. Comment l'appelle-t-il ? C'est Hervé Villard. Hervé. Oui. Hervé. Hervé Villard. Ça ne passe pas. Mais putain, je sais pas. Il a chanté ça, Hervé Villard. Oui, bah, il en c'est a chanté pas des ça. Conneries. C'est pas ça. Bon, ça. Alors c'est Johnny Hallyday. Ah bah oui, quand même. Tout le monde l'a, celui-là. Même moi, je l'ai. Mais tu peux baisser le son, Davy, s'il te plaît. C'est génial. Je l'avais, celui-là, moi aussi. Oui, moi aussi, je l'avais. Oui. Enfin, j'avais celui-là, tout le monde. J'avais Dorothée. Hein. Ah oui, bon, c'est pas mal. Bravo à vous d'avoir trouvé tout ça, quand même. Bravo à Bob pour Armand Mestral. Oui. Armand, machin, là. Oh, Bob. Il a des problèmes sexuels. Il a des problèmes sexuels, Johnny Hallyday, en ce moment. Pourquoi ? Parce que dès qu'il branche une fille et qu'il lui propose un truc, la fille dit non, Jean-Johnny Hallyday. Jean-Johnny Hallyday. Ah, Jean-Johnny. Oui. Il s'est fâché avec son ex-femme. Hein. Il lui a dit allez, va-t'en. Mais pendant longtemps, il était très emmerdé avec sa femme actuelle. Hein. Ah bon ? Oui, parce que quand il sortait, il trouvait pas de babysitter pour le garder. Oui. Voilà. Bon, allez, maintenant. C'est moins drôle. Tu as remarqué que c'est moins drôle ? Oui, c'est pas grave. Je m'en fous. C'est moi qui aurai le final cut. Dites donc. Oui. Oh. Oui. Hey. Oui. Mes acclamations pour le quiz. Les acclamations pour Frédéric Calcul. Ah, s'il vous plaît. Oh. Donc, quand même, il était dur aussi. Quand même. Nous allons. Ah oui, on va faire un point sur les scores avant de terminer cette émission. C'est pas obligé. Non, c'est pas la peine. Alors attends, je fais on les a passé une bonne soirée. On va non, pas non, se fâcher c'est maintenant. Les inhumoristes qui ont gagné. Alors pour les inintelligents, l'équipe de Bob, Mélanie et Manu. Un maximum. Oui. Un maximum de points. Vous avez 2 points. On n'a jamais fait autant. C'est un succès. Alors que malheureusement, les inhumoristes n'ont que 7 points. Ouais. Ah oui, ils vous écrasent. Hein, ouais. Je ne vous applaudirai pas. Je voudrais juste faire remarquer à cette noble émission que ça fait à peu près 10 fois que je viens et je gagne toujours. Oui. C'est la chance du débutant. C'est tout, je veux juste le faire remarquer. Donc tu remarques comme moi, cette émission est truquée. On est d'accord. Nous allons remercier René Marc Gage de Candidator. Ouais. Bravo. Bravo. Oui, oui, oui. On rappelle que Candidator, c'est tous les dimanches à 20h. Au Théâtre des Feux de la Rampe. On à Paris, dans le 9e. On longe les Folies Bergères. On est mitoyen aux Folies Bergères dans le 9e arrondissement de Paris. Et également en tournée. Alors, à la Royal Factory de Versailles, 2 rue Jean Houdon, en face de l'Hôtel de Ville, tous les deux mois. Et puis à la Comédie Odéon à Lyon, théâtre de 320 places. La première a lieu le 7 avril avec Laurent Violet. Voilà, et c'est le 7 avril et c'est 6 rue Grollet, Grollet dans le 2e arrondissement de Lyon. Eh bien, on ira applaudir Candidator dans tous ces rendez-vous. Où on espère retrouver Mélanie Rodriguez. Et Looping. Merci à vous. On n'oublie pas que vous pouvez les contacter sur leur page Facebook, Mélanie Rodriguez avec un Z. Comédienne. Et comédienne. Et Looping. Looping en deux mots. Et puis la page Candidator, bien sûr. Avec René Candidator, la nouvelle scène ouverte parisienne. Pour tout savoir. À bientôt, merci les amis. Merci à vous. Merci beaucoup. Bravo. Merci à vous. On va remercier Bob du club. Bravo, Bob. À la semaine prochaine. Manu qui était là. De rien. GG qui a été là à un moment, mais qui n'est plus là. On va le remercier quand même. Davy à la réalisation. Bravo, Davy. Ouais. Émission animée par Philippe Bénaud. Mais non. Il était par Frédéric Castel. Je suis complètement défoncé. C'est génial. Quelle émission fabuleuse. Quel accueil. Enlevez-lui son verre. C'est extraordinaire. On n'oublie pas. Encore une vodka. Vous avez dit qu'il fallait pas le faire. On n'oublie pas pour le podcast. C'est sur iTunes. Vous tapez On va se marrer. On se retrouve. La page Facebook de l'émission On va se marrer, où vous pourrez voir la photo qu'on va prendre dans quelques instants. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? L'adresse e-mail de Maurice pour lui envoyer des blagues. C'est maurice@onvasemarrer.com, tout attaché. Merci d'être venu et à très bientôt.